Tu sais pourquoi il est pas? Pourquoi? Parce que c'est un fils de pute et un trou du cul. Thank you.